Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, mon métier, c'est avocat, dans le secret du cabinet Seban à Paris. Une série de Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a une autre série qui déroulait le fil de la disparition d'Estelle Mouzin et qui a permis de tisser des liens de confiance entre un documentariste et les personnages qu'il a enregistrés. Et il y a de l'admiration pour l'intelligence en marche et la sympathie immédiate que l'on éprouve pour ceux qui se mettent au service des victimes et décident de les représenter. Et bien entendu, ces images tirées de films et de séries dont on s'est gavé le dimanche soir avec effet de manche, robe noire, robe rouge, et cette fascination qu'on a toujours pour ceux qui ont ce pouvoir de persuader l'autre et de le faire plier avec des mots. Mais peut-être aussi qu'il y a l'envie de parler d'autre chose que de la justice pénale. Alors pour commencer, les personnages. Deux avocates complices et tout-terrain, des juges administratifs, des experts, des agriculteurs, des techniciens, un directeur de cabinet, des grands-parents, un avocat qui se prépare et une avocate fière de son métier. Ensuite, le décor. Du parquet qui grince, des déplacements en province, des bottes en caoutchouc, du métro, des réunions, des chemises cartonnées, du synthétique, de l'herminé, de la peau de lapin, du droit public et du droit de l'environnement, des lacs et la Seine. Aujourd'hui, deuxième épisode, je crois qu'il faut faire le point. T'as vu le mail de la cliente? En fait, son interco est, depuis la fusion, en représentation-substitution dans un syndicat de rivière. Ouais. Sauf que, avec le transfert de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018, elle se pose des questions parce qu'en fait, le syndicat n'est pas à la carte. C'est ça que je voulais voir avec toi, ce que t'en penses. Ah, non, du coup, parce que le syndicat, il fait quoi exactement? En fait, il a pas mal de compétences, mais pour moi, il y en a certaines qui sont de la GEMAPI, d'autres pas de GEMAPI. Et même au-delà des cours d'eau, il y a carrément des compétences qui relèvent d'autres domaines. Rien à voir. Ben oui, c'est ça. Tu vois, quand ils gèrent de la voirie... De la plaisance. Et puis, tu vois, le problème, c'est que par exemple, quand ils gèrent de la voirie, normalement, depuis qu'il y a eu la fusion, l'interco, elle aurait dû être retirée. C'est ça, ils sont retirés en principe. Ben oui, non, c'est pas dur. Attends, parce que là, du coup, ils sont en représentation-substitution et ils veulent rester ou ils veulent pas rester dans le syndicat? Le premier point, à mon avis, c'est qu'il faudra voir avec les services de l'État pourquoi déjà ça n'a pas bougé au moment de la fusion. Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des modifications statutaires? Mon métier, c'est avocat. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. L'expertise au service du pouvoir. Par exemple, ça va un peu vois, tout et rien dire, là. Quand on nous parle d'entretien et d'écologie du fleuve, bon, bah là, je pense qu'on est dans de la GEMA. On est sur de la GEMA, oui. On est sur de la GEMA, mais tu peux avoir d'autres trucs. Donc, en fait, il va falloir couper les compétences en morceaux complètement. Et si la collectivité veut se retirer, elle a des modalités de retrait qui sont faciles. Ouais, mais il y a le 57-21-6-3. Qui a été introduit par la loi NOTRe, là, sur les retraits dérogatoires, sur autorisation de regarde le texte. Mais il me semble qu'il faut que tu n'aies plus aucun intérêt à rester dans le syndicat. Oui, sauf que là, du coup, s'il y a de la GEMAPI, il conserve un intérêt à rester dans le syndicat. Donc il faut... Et oui, donc à mon avis, ça ne marche pas. Attends, je regarde. L5721-6-3. Voilà, alors, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités ou un établissement public peut être autorisé par le représentant de l'État dans le département à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, donc là on serait bon puisqu'il y a l'introduction de la compétence GEMAPI, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation, ou des compétences de cette personne morale, en fait, en réalité, on est dans une situation qui mêle les trois, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Oui, c'est ça. Ouais. Le problème, c'est que si on, dans la mesure où on a de la GEMAPI dans les statuts, il reste... Ça fonctionne pas. Clémence Durostu, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er janvier 2018 pour les collectivités locales et qu'est-ce que c'est que cet acronyme GEMAPI, GEMA, qui sont dans vos échanges avec Solène Dossé? GEMAPI, c'est gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations. C'est une compétence qui a été créée par la loi MAPAM et qui est transférée aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération, enfin, qui a été transférée au 1er janvier 2018. Cette compétence, ça oblige les collectivités à se poser la question de savoir si sur leur territoire, les cours d'eau sont bien entretenus, s'il y a des mesures d'aménagement qui doivent être prises en charge, et il y a toute une ribambelle d'obligations qui leur incombe désormais en matière de prévention des inondations. La grande différence, et ce qui inquiète les élus depuis, même pas depuis le 1er janvier 2018, mais même depuis 2014, la date à laquelle la compétence a été créée, c'est qu'ils se voient identifiés comme les personnes qui sont responsables des préventions des inondations et la gestion des milieux aquatiques sur leur territoire. Avant, tout le monde pouvait intervenir, mais personne ne devait intervenir. Avec la tempête Xynthia et les catastrophes qui en ont découlé et qui sont bien connues, il y a eu une prise de conscience des problématiques inondations qui n'étaient pas forcément présentes sur tous les territoires et qui aujourd'hui inquiètent beaucoup les élus qui sont désormais ciblés par la loi comme les personnes responsables. Solène Dosset, à l'entrée de votre bureau, il y a un petit classeur avec marqué « facturation ». Est-ce que le mot facturation, c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans la tête de l'avocate ou de l'avocat qui travaille ici ? Oui, et c'est d'autant plus un enjeu pour nous que on travaille essentiellement avec des collectivités publiques, donc qui sont soumises techniquement aux règles des marchés publics, donc on répond à des appels d'offres, donc on est mis en concurrence évidemment dans ce cadre-là. Donc il y a une sorte de bataille des prix entre les avocats pour répondre aux collectivités. S'y rajoute le fait que les collectivités ayant des budgets de plus en plus limités, eh bien tout ça fait que effectivement on est très très vigilant sur la facturation. Les marchés qu'on signe souvent sont avec ce qu'on appelle des forfaits, c'est-à-dire que pour une mission donnée, vous avez un nombre de jours prévu. Et puis si vous dépassez, ben c'est vrai que vous vous retrouvez à devoir discuter avec la collectivité, à expliquer les raisons pour lesquelles vous avez dû passer plus de temps que prévu. Voilà, et ce sont des discussions éventuellement compliquées. Comme vous êtes associé, Didier Seban, dans la présentation de ce cabinet, disait qu'il y a à peu près 2000 dossiers qui rentrent chaque année au cabinet. Est-ce que vous avez des objectifs à tenir en termes de... J'avais tant de dossiers cette année, en 2017, en 2018, il faut que j'en ai 50 de plus. Est-ce que c'est de cet ordre-là, les discussions que vous avez au comité directoire ? Alors, elles ne sont pas nécessairement... Le dossier, en fait, en lui-même, est assez peu révélateur de ce qu'il peut rapporter ou pas. On peut avoir un dossier très, très lourd et très chronophage et peu rémunérateur, ou au contraire, un petit dossier qui va l'être davantage. Donc, ce n'est pas tant au nombre de dossiers. On essaie... Alors, ça, c'est très, très compliqué. C'est vrai que c'est toujours un sujet de réfléchir à comment on est obligé de demander à chacun, effectivement, de rapporter de l'argent, et en même temps, sur quels critères, sur quelles bases on se fonde pour fixer effectivement des objectifs. Là-dessus, il y a forcément ce qui rentre en ligne de compte, c'est d'abord ce que chacun coûte, forcément. Et on essaie d'avoir un ratio comme ça de facturation par rapport à ce qu'une équipe va coûter, avoir une sorte de proportion par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a forcément des domaines qui sont plus ou moins rémunérateurs. Ça, c'est évident. Vous êtes avocate toutes les deux depuis quand ? 2010, moi. Et moi, je suis 2010, pile, donc 7 ans. 7 ans. Mmh. Et moi, janvier 2005. Donc, bientôt 13 ans. Alors justement, en janvier 2005, est-ce que le droit de l'environnement était dans l'état où il est aujourd'hui ? Et où est-ce qu'il y a eu telles évolutions, une telle prise de conscience que tout d'un coup, il y a plein de choses à intégrer, à travailler et à faire comprendre à vos interlocuteurs ? Alors, je ne mettrai pas tout sur le même plan. Il y a certains aspects qui avaient déjà été envisagés. Il y avait eu à l'époque la loi Bachelot qui avait quand même déjà réfléchi à une évolution s'agissant des installations classées pour l'environnement. Il y a eu des réflexions. Après, effectivement, c'est aussi pour ça qu'on apprend au fur et à mesure, tout simplement parce que le droit se fait au fur et à mesure. Et notamment, alors sur la pollution des sols, par exemple, on est sur des réformes qui sont assez récentes avec la loi Allure, par exemple, dont on a beaucoup parlé pour le logement, mais qui a aussi évidemment des forts impacts sur l'aménagement, donc sur la pollution des sols. Ça, c'est beaucoup plus récent. Et puis la GEMAPI, et ça, c'est effectivement très récent parce que c'est lié au procès Xynthia, hein, pour dire les choses de façon très synthétique. Depuis la tempête Xynthia en 2010, donc les élus viennent vous voir, en gros, pour vous dire qu'est-ce que je risque. C'est vrai que là, ça a été une sorte de réaction à se dire qu'il faut... faut qu'on mutualise, il faut qu'on travaille collectivement sur cette problématique. Quand vous dites problématique liée à l'environnement, sur l'N2C, ça veut dire aussi responsabilité du maire, oui, puisque ça. Le maire a été défendu par ce même cabinet ici, si je ne m'abuse. Absolument. D'où effectivement aussi notre intérêt pour la question. Mais oui, les enjeux effectivement étaient environnementaux, mais bien entendu administratifs en termes d'indemnités, mais surtout pénaux aussi, évidemment. Et donc c'était la prise de conscience aussi de la responsabilité collective et publique en la matière qui pouvait intervenir et donc d'avoir à effectivement organiser davantage les choses sur le sujet. Alors vous avez un autre point commun toutes les deux ici au premier étage, c'est que vous êtes toutes les deux originaires de... Bretagne. De Bretagne, absolument. Vous, alors moi, je viens près de Rennes. Et Clémence, attention. Les vrais Bretons vont dire que je ne suis pas bretonne, je viens de Nantes. Mes origines familiales sont bretonnes. Et on est plutôt vers la Bretagne sud. Donc si, je suis bretonne, je le revendique. Deux avocates bretonnes qui s'occupent d'environnement, est-ce un hasard? Peut-être pas. Sûrement que non. Surtout qu'effectivement, là, on est sur des problématiques d'eau et que les problématiques d'eau sont vraiment très importantes en Bretagne. Donc, je ne pense pas. D'ailleurs, on travaille notamment en Bretagne sur ces questions-là. Donc, voilà. Alors, la seule difficulté, c'est que du coup, quand on part en vacances et qu'on voit les noms des collectivités qui nous font penser à nos dossiers plus qu'à la plage... C'est moins drôle, mais bon, en tout cas... En fait, on s'en aperçoit a posteriori, quand on travaille dessus, il y a une vraie sensibilisation qu'on a depuis tout petit sur la problématique de l'eau. Alors, on dit à tous les enfants de ne pas gâcher l'eau parce que c'est précieux, hein, je pense que c'est quelque chose de partagé. Mais en Bretagne, c'est quelque chose qu'on a vraiment identifié. Il y a la problématique de l'algue verte, qui est quelque chose de très important. Le recul du front de mer, voilà, toutes ces problématiques sont là de façon très forte. Et d'ailleurs, la Bretagne a été aussi fer de lance sur un certain nombre de modifications législatives pour pouvoir intervenir en tant que région sur ces problématiques environnementales et d'eau. Et d'ailleurs, on a eu un dossier en Bretagne pour vous dire que le politique se mêle aussi à chaque fois. La question de l'eau est tellement importante là-bas qu'on n'a pas pu aller au bout de la mission parce que les élus n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la manière d'organiser les choses en matière de gestion de l'eau et de prévention des inondations et qu'on n'a pas pu aller au bout de ce qu'on avait prévu de faire dans le cadre de cette mission. Solène Dossé, où est-ce qu'on est là ? On est au premier étage ? On est au premier étage, absolument. Alors, vos confrères qui sont pénalistes et autres sont au quatrième. Vous allez déménager bientôt ? Au quatrième, je remonte avec eux. Et les autres vont passer au cinquième, c'est ça le principe du déménagement ? C'est tout à fait ça, oui. L'idée, c'est de mettre le pôle privé, enfin tout ce qui est lié à la construction au privé, au cinquième étage. Et puis on va mettre les autres pôles au quatrième. Oui, ce sera plus facile pour communiquer. Voilà, même si là, on fait des choses, on vient entre le premier et le quatrième pour garder la convivialité du cabinet, mais c'est vrai que là, ce sera plus facile encore. Vous montez d'habitude le lundi à 9h25 les étages pour aller à la réunion d'agenda. C'est notre grand-messe du lundi matin, exactement, on se retrouve tous. Non, c'est l'occasion pour tout le monde de savoir un peu ce que chacun fait dans sa semaine, les projets, les dossiers du cabinet, voilà. Là, ce que vous avez prévu de faire, c'est d'aller déjeuner. Quatrième étage, réunion d'agenda pénal avec Sonia Canoun, Marlène Joubier, autour de Mathieu Hénin. C'est un agenda un petit peu light parce que notre assistante qui participe normalement n'est pas là. Et puis qu'il nous manque un des membres de l'équipe, Badreddine, qui est en permanence garde à vue ce matin. Donc il va nous rejoindre qui sera là en début d'après-midi. La semaine dernière, on a eu une décision importante avec la confirmation de la condamnation de l'auteur de la tentative d'homicide sur la petite fille et les violences sur sa grande sœur. Donc c'est un dossier de Marlène, c'est super. Et puis par ailleurs, on a la question... on est en train de travailler avec Sonia sur la cour d'assises qui arrive. Et puis Michael était à Toulouse la semaine dernière sur un dossier qui malheureusement s'est pas plaidé. Mais voilà pour les événements importants de la semaine dernière. Pour le reste, le petit point facturation de début de semaine. Voilà ce qu'il nous reste à faire pour la fin de l'année. Et puis par ailleurs, parce qu'il y a le déménagement qui arrive bientôt, les questions d'archivage. Donc il faut qu'on fasse une grosse campagne d'archivage de nos dossiers pour essayer d'éviter qu'on ait à déménager trop de dossiers dans les nouveaux bureaux de chacun. Et puis ça va vous permettre de faire un point facturation sur chacun des dossiers, vérifier que tous les honoraires, le temps passé, est bien facturé à nos clients. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur la semaine, la facture, l'archivage? Pour l'archivage, on a bien commencé déjà. On a fait une première vague, une trentaine de dossiers au moins. D'accord. Il y a une audience sur les attentats, mairie de Saint-Denis. J'en ai pas parlé. Donc j'ai vu Corinne vendredi et je lui ai demandé si elle y allait. Elle m'a dit donc elle m'a confirmé qu'elle y allait avec Didier et qu'elle nous ferait un point. D'accord. Du coup, pas besoin de se déplacer à cette audience. Ouais, moi aussi, je l'avais mis en libre. Ok. Ce sera Didier et Corinne. Parfait. Moi, j'ai rien d'autre au lundi. Vous avez autre chose ? Non, rien d'autre. D'accord. Donc, on passe au mardi. On a dans le dossier dont on parlait tout à l'heure un délai de pourvoi en cassation. C'est pas tout à fait exact. Il est à jeudi. Est-ce que quand. Donc là, on est boulevard Saint-Germain, Paris. Quand vous arrivez en région, le fait de représenter le cabinet Seban, ça a une image forte? Il y a deux points de vue, c'est très variable. Vous avez effectivement cette dimension-là de « on a pris un cabinet parisien parce que vous êtes nombreux, parce qu'on sait que vous êtes sur le sujet ». Sur l'environnement, on parlait du procès Xynthia, c'est vrai qu'il y a eu un retentissement qui fait que le cabinet est connu sur le sujet. Mais il y a aussi en région un attachement à son territoire et donc ça peut être aussi vu comme une... on peut avoir une certaine défiance à notre égard parfois en se disant c'est les Parisiens qui arrivent qui ne connaissent pas le terrain. mais on essaie de leur montrer justement qu'on se déplace régulièrement et qu'on connaît leurs enjeux. Vous leur racontez que vous avez fait du nettoyage de rivière quand vous étiez petite en Bretagne? Non, mais c'est vrai que on aime tous bien raconter d'où on vient, donc on a tendance effectivement à un peu raconter les anecdotes qui nous concernent, ça c'est vrai, oui. Mais ça, je pense que ça vaut pour tout avocat qui... Parce que c'est vrai que si on veut bien travailler avec les clients, il faut qu'on comprenne bien leurs enjeux, leurs problématiques. Et donc, ne serait-ce que de raconter son histoire personnelle pour qu'ils puissent nous dire « Ah oui, mais non, nous, c'est pas ça notre sujet. Ah oui, oui, là, c'est vrai, on se retrouve là-dessus, c'est important, sinon on rentre pas dans le dossier véritablement, en fait. » Clémence Durostu, vous parliez de l'aspect technique, juridique. J'allais dire, est-ce que l'aspect politique ne vient pas polluer tout le temps vos dossiers ? Alors, de temps en temps, effectivement, c'est... Moi, je me souviens, il y a une période où j'avais un peu envie de baisser les bras parce que je trouvais que les choses étaient très bloquantes. Dans certains cas, il fallait un peu ménager la chèvre et le chou. Quand des choses paraissaient complètement évidentes, qu'il fallait aller dans un sens et que... on tombait sur des personnes qui avaient d'autres personnes elles-mêmes à ménager ou ça bloquait des dossiers pour des raisons qui nous dépassent un peu et qui peuvent être très personnelles. Mais faut pas se mentir, c'est aussi un aspect un peu amusant aussi de devoir jongler justement avec tous les intérêts des uns et des autres. Et puis il y a un moment aussi où on anticipe un peu plus justement ces besoins-là et on arrive à répondre aux interrogations ou à anticiper un peu les interrogations avant même qu'elles deviennent bloquantes, justement. Votre consoeur du 4e, Corinne Herman, travaille avec des criminologues, des profilers, des gendarmes, des policiers. Vous travaillez avec qui ? Avec ce qu'on appelle des bureaux d'études techniques, qui sont en fait justement ces techniciens qui nous permettent de compléter nos connaissances, donc non pas sur l'aspect juridique, nous c'est ce qu'on leur apporte à ces bureaux, les aspects juridiques, mais eux nous donnent ces aspects vraiment de technique, de compréhension, des actions de terrain, des aspects opérationnels. Voilà, on parlait de la terminologie, donc évidemment, ils nous aident à la comprendre, mais aussi à voir un peu le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'un texte de loi dit et puis ce qu'est la réalité concrète d'une opération. Et ça, c'est vrai qu'en matière d'environnement, c'est assez fréquent d'avoir un texte écrit, j'allais dire, un peu en dehors des réalités. Et puis quand on la confronte à cette réalité, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des décalages et des difficultés de mise en œuvre. Je vous donnais l'exemple sur les rivières. Jusqu'à présent, je vous parlais des syndicats, en vous disant qu'il y avait des syndicats qui faisaient des actions. Ils ne se posaient pas la question avant de se dire « Est-ce que je suis en train de faire de la gestion des milieux aquatiques ? Ah non, là, je ferais plutôt de la protection contre les inondations. Ah mais non, pas du tout. Je suis en train de remplacer un propriétaire privé qui ne fait pas son travail. » Voilà. Évidemment qu'eux, ils intervenaient sans se poser ce type de questions. Et donc, aujourd'hui, on les oblige à se questionner là-dessus. Et nous, on leur dit « Voilà, c'est comme ça que le droit prévoit les choses. » Mais on a évidemment besoin des BET pour nous dire voilà, ce qu'ils faisaient concrètement, en réalité, c'était ça, ça et ça. Et nous, on peut cibler et leur donner des conseils sur leur façon d'agir à partir de maintenant. Là, on est Paris 7e. Vous avez vos petites bottines parisiennes, on pourrait dire. Est-ce que vous chaussez vos bottes et vous allez mettre les pieds dans la gadoue ? Ça nous arrive. Oui. Il y a toujours des anecdotes. Hein. Alors, je pense par exemple, quand vous êtes sur des anciennes installations classées, vous chaussez les chaussures de sécurité, puis vous allez voir ce qui se passe. Quand vous avez des systèmes de dépollution mis en place, vous allez les regarder. Voilà. Vous avez des stations d'épuration à traiter aussi. Par exemple, sur les usines d'incinération, on a eu un dossier sur lequel la question se posait de savoir si la taille de la cheminée était suffisante ou pas. Alors, outre les calculs savants mathématiques sur lesquels les techniciens dont on parlait nous ont bien aidés, on a aussi besoin de visualiser les choses et de voir si effectivement il y a des difficultés par rapport à la taille de cette cheminée. Voilà, donc on va sur le terrain, oui, voir comment ça se passe. Le technique et le juridique sont tellement imbriqués en matière de droit de l'environnement qu'on n'a pas le choix. D'ailleurs, ça nous fait plaisir de le faire, mais il faut qu'on le fasse cet effort-là. Et il faut qu'on le fasse surtout aussi quand on est en contentieux. Parce que le juge administratif, il est comme nous. C'est un juriste, c'est pas un technicien. Donc, il faut qu'on puisse lui expliquer les aspects techniques du dossier, mais de façon la plus compréhensible possible, parce qu'il est comme nous, profane en la matière. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a besoin forcément d'aller sur le terrain pour bien nous comprendre et pouvoir ensuite retraiter l'information et l'exposer au juge. C'est ce qui rend la matière justement intéressante. C'est ici. Bonjour. Ça, c'est un petit résumé que j'avais sorti du dossier où on parle sur les trois qui sont poursuivis, les deux de Saint-Denis, en particulier Jawad. Et après, j'ai tout ce qui s'est passé dans l'immeuble, en fait, j'avais préparé pour la mairie. Et c'est le fameux Mohamed Souma. Oui. En fait, on a Jawad. Oui, et Mohamed Souma. Et Mohamed Souma. Et le troisième, c'est... Donc c'est eux qui sont mis en cause dans la fourniture de l'appartement. Pour loger à Baoud, en fait. Pour loger à Baoud. Mmh. Mais on n'a rien sur le troisième qui est mis en cause, qui ne nous concerne pas beaucoup, le troisième. Non, il nous concerne moins. On en a quand même deux qui nous concernent sur... la partie Saint-Denis quand même, donc pour la correctionnelle on en a deux puisque il s'était rendu dans un autre appartement, il y avait un autre appartement dans lequel il s'était rendu, en tout cas le deuxième. Et là on a les qualifications, donc vous voyez, beaucoup de qualifications qui concernent l'effet de Saint-Denis et de plusieurs villes. Corinne Herman, Didier Seban, on est le 30 octobre. On est 3 mois avant le 24 janvier, donc date du premier procès des attentats. Et donc là, on va s'occuper en fait de Saint-Denis, c'est bien ça ? Oui, en fait, les juges ont décidé de séparer le sort de 3 prévenus du reste des affaires, puisque ce sont des personnes qui sont mises en cause pour des faits qui ne sont pas des faits criminels, mais qui sont des faits correctionnels. C'est ceux qui ont aidé ce qui restait de l'équipe terroriste après les attentats. Ils les ont aidés soit en les hébergeant, c'est le fameux Jawad qui a fait un peu rire toute la France et un autre personnage qui a hébergé ces terroristes qui s'appelle Mohamed Souma. Et donc le sujet qui était posé au juge, c'était de savoir s'ils étaient au courant du projet d'attentats. À ce moment-là, ils étaient complices des attentats et ils relevaient de la cour d'assises. Soit ils n'étaient pas au courant des attentats, mais ils ont aidé dans leur projet criminel les terroristes. Et à ce moment-là, ils relevaient de faits correctionnels et ils devaient être jugés séparément. Pour nous, c'est particulièrement important parce que beaucoup de nos victimes sont originaires de Saint-Denis, enfin des victimes qu'on représente. Elles ont été victimes des attentats au Stade de France. Et puis, nous sommes en lien aussi avec la ville de Saint-Denis, dont nous sommes les avocats qui envisagent de se constituer partie civile, et qu'il y a eu beaucoup de ces habitants qui ont été finalement victimes des attentats, des conséquences de ces attentats terroristes et du comportement à la fois de Jawad et de Souma. Puisque, vous vous rappelez, enfin, toute la France a vu ça, Abaoud, qui était un des terroristes, s'était réfugié dans cet appartement, il a été repéré dans cet appartement, et la police française est intervenue pour l'interpeller. Ça a donné lieu à une scène de guerre, disons-le, c'est-à-dire que des milliers de balles ont été tirées, l'immeuble a été détruit, a été quasiment explosé pour arrêter les trois terroristes qui étaient dans cet appartement de la rue des Corbillons. Donc les habitants de Saint-Denis, et particulièrement de la rue des Corbillons, et particulièrement de l'immeuble où se trouvait cet appartement, ont vécu cette scène de guerre en direct, et ont été pour certains blessés, pour d'autres extrêmement choqués, et se sont retrouvés un peu abandonnés après les faits. Donc la question pour eux va être de faire reconnaître qu'ils ne sont pas seulement victimes par hasard, mais qu'il y a une responsabilité des gens qui vont être jugés par rapport à ce qu'ils ont vécu. Alors. Bon, donc il y a quand même le trombino, je l'ai complété. 13h30. 16e 1 à 13h30. D'accord. Bon, donc on a eu la confirmation de la mairie de Saint-Denis de sa volonté de se constituer partie civile. Et puis, on a le nombre précis des membres des familles qu'on représente. Oui, oui. Sur les 40 qu'on représente, il y en aura au maximum 5 ou 6 qui vont venir. On va voir. Moi, je pense qu'il y en a qui vont se décider au dernier moment, d'autres qui vont dire non, qui vont venir, d'autres qui vont dire qu'ils viennent et qui viennent pas, enfin. Et puis, il faut qu'on aborde la question des victimes... Des Corbillons. Des Corbillons, oui. Parce qu'à Saint-Denis, il ne parle pas de la rue des Corbillons, il parle d'une autre... La rue de la République. La rue de la République, oui, puisque c'est un immeuble qui fait l'angle. Qui fait l'angle. Oui. Donc pour eux, c'est un numéro de la rue de la République plutôt que de la rue des Corbillons, alors que pour la France entière, c'était c'est la rue des Corbillons. Oui. Ça te dérange pas si je prends le merlu ? Alors, vas-y, prends le merlu. Ben, je vais prendre le vôtre pour mignon, voilà. Okay, ben, est-ce que vous voulez une entrée ? Dessert du jour aujourd'hui, mousse au chocolat ou pain perdu ? Merci. Merci. Pain perdu. Et est-ce qu'il y a du temps perdu dans votre travail ? Du temps perdu ? Et du temps passé à attendre ou du... Est-ce que le rapport au temps ? Je pense embêter que les gens du quatrième que vous avez vu, parce que eux déjà je pense qu'ils vont à beaucoup d'audience, beaucoup plus que nous, et qu'ils sont plus amenés à attendre leur tour dans les salles d'audience, alors que nous on fait déjà beaucoup moins de contentieux qu'eux. Que quand on a du contentieux, moi généralement je suis passée dans les premières à chaque fois. Puis c'est les juridictions administratives, les juridictions pénales n'ont pas du tout le même fonctionnement. Les juridictions administratives, on plaide assez peu, alors sauf effectivement les dossiers un peu emblématique en environnement, par exemple, quand on remet en cause une installation classée tout entière de gestion des déchets, par exemple, pour plusieurs dizaines de milliers d'habitants, là, oui, on plaide. Sinon, c'est vrai que les magistrats n'aiment pas spécialement les magistrats administratifs qu'on plaide. On peut s'entendre dire, mais tout est dans votre mémoire, maître, je n'ai pas besoin que vous me le redisiez. Donc, c'est vrai que du coup, on n'a pas cette même problématique d'attente, et notamment, vous n'aurez que très rarement des audiences nocturnes devant le tribunal administratif, éventuellement sur un référé liberté, ce qu'on appelle un référé liberté, c'est-à-dire c'est statué en 48 heures quand il y a une véritable urgence à intervenir, mais ça reste relativement rare. Mais sinon, non, moi j'ai pas l'impression qu'on ait forcément de temps perdu, parce que au pire on pourrait considérer que des déplacements c'est des temps perdus, mais généralement on travaille dans le train, ou alors on échange justement avec les partenaires ou entre nous sur les dossiers, donc c'est quand même très rarement du temps perdu. Non, En revanche, il y a aujourd'hui un sentiment d'urgence sur les délais qui se raccourcissent considérablement entre la demande formulée et la réponse attendue. Solène Dossé, vous disiez, on ne plaide pas, ou rarement. Est-ce que c'est pas un manque dans votre vie d'avocate ? Moi, je trouve que ça manque aussi un peu, et c'est ce qui fait que je... C'est ce qui fait le métier d'avocat et ce qui nous différencie quand même des juristes. C'est vraiment cet aspect plaidoirie. Enfin, moi, ça me manque un peu aussi parce que quand on est dans un tribunal, qu'on endosse sa robe et qu'on endosse le rôle de celui qui va s'adresser, enfin de celle même, qui va s'adresser au juge pour défendre un intérêt, qu'il s'agisse de quelqu'un de particulier ou des structures publiques comme on a, il y a, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Enfin, le fait de mettre sa robe, et je pensais pas, en fait, parce que moi, ce que j'aime, et c'est aussi pour ça que je suis publiciste, ce que j'aime, c'est la technicité du droit. Et c'est plus, ouais, c'est vraiment des problématiques très techniques. Et je pensais pas qu'en mettant une robe, d'ailleurs, c'est même pas ma robe, parce que pour vous dire, j'ai même pas moi de robe d'avocat tellement... Je pensais pas accorder d'importance à cet aspect-là. C'est la robe de qui ? C'est la robe de confrère que je pique quand je vais, que je vais en audience. Je pense que je dois être une des seules avocates à fonctionner comme ça. Mais non, en plus, il y en a quelques-uns. Je me dis, là, depuis cette année, je me dis, il est vraiment temps que je m'achète une robe. Mais jusqu'à maintenant, c'était pas primordial pour moi. Et pourtant, quand on arrive devant la salle d'audience... qu'on rencontre des confrères, parce que c'est aussi l'occasion de rencontrer des confrères, qu'on se confronte aux confrères dans les plaidoiries, même si c'est moins que dans une audience pénale, ça fait quelque chose, quoi. J'allais dire, ça fait des papillons dans le ventre. On va trouver que je vais un peu loin, mais c'est un peu ça. Et puis, sans vouloir passer pour quelqu'un qui aime à tout prix se mettre en avant, je trouve que ça donne une certaine posture qui est assez agréable à avoir quand on se dit, après tout, c'est vrai, je suis avocate, j'ai quand même bien trimé pour en arriver là, j'ai ce privilège de pouvoir mettre une robe et m'adresser à un juge dans cette audience-là, et ben ça se sent à l'intérieur, quoi. Quand on enfile la robe, on se dit, en même temps, j'enfile le dossier. Je prends la place de la personne, je suis habilitée à parler pour elle, et donc vraiment, j'investis les choses, je prends la place de cette personne et je dis tout ce que j'ai à dire pour elle qu'elle ne peut pas exprimer. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fort, forcément. On va prendre un petit café. Donc là, on est où, Mathieu Hénon ? Et on est dans la cuisine. Mais si on joue la phrase métaphoriquement, est-ce qu'il y a une cuisine des avocats aussi ? Ben, c'est la recette pour chaque dossier, en fait. Mais oui, il y a tout un aspect de travail préalable des dossiers. Le moment de l'audience, c'est un petit peu le moment paroxystique d'un dossier. C'est le moment où on porte une argumentation. Maintenant, avant, il faut préparer cette argumentation, il faut discuter avec le client de ce qu'il souhaite, la manière dont il... Enfin, sa vérité aussi, parce qu'il faut qu'on porte sa vérité, donc il faut qu'on en parle, il faut qu'on analyse les éléments du dossier, il faut qu'on ordonne les arguments, qu'on les identifie, qu'on sache quand les placer, ce qu'on n'écrit pas, ce qu'on dit, ce qu'on plaide... Et tout ça, oui, on peut le désigner sous le terme un peu général et métaphorique, donc, de la cuisine. C'est ce qui se passe en dehors de la salle d'audience, avant. Vous aimez bien ce temps de la cuisine ? Pour que le plat soit bon, il faut que la cuisine soit sérieusement faite et y prendre le temps, y consacrer le temps nécessaire. Donc oui, ça fait partie de l'acte de défense, donc ça m'intéresse, bien sûr. Vous êtes cuisinier vous-même ? J'ai plutôt les desserts. Vous venez à peine de raccrocher le téléphone avec un client qui vous a sollicité tardivement. En deux mots, sans dévoiler le contenu de la conversation, c'était quoi ? Ben, c'est un client qui a un souci sur des constructions en cours, des magasins et des problèmes de réglementation de sécurité. Et les services sanitaires et de sécurité lui ont demandé certaines choses, un certain travail hier soir. Et il en a besoin pour ce matin, une réunion à midi. Du coup, il a fallu travailler un petit peu cette nuit et tôt ce matin pour lui donner tous les éléments de réflexion qui lui permettent de préparer sa réunion. Une conversation téléphonique, c'est facturé comme s'il venait en rendez-vous ? L'avocat vend en fait de son cerveau, en fait, finalement, sa capacité de réflexion, sa capacité à identifier les problèmes, à les prioriser et à y trouver des solutions. Et donc, du coup, ce savoir et cette connaissance peut s'exprimer en rendez-vous, au téléphone, dans l'examen d'un dossier, en audience. Et donc, oui, bah, les avocats, avocats, c'est aussi un métier. Donc, effectivement, on essaye de gagner nos vies avec ce métier-là. Et donc, oui, le temps consacré au dossier doit être facturé. Un mot sur le statut de l'avocat dans un cabinet. Ouais. L'avocat, c'est une profession libérale, mais vous êtes rattaché à un cabinet. Comment ça se passe ? Bah déjà, dans un cabinet d'avocats comme le nôtre, on est une centaine à peu près. Il y a tout un personnel salarié non avocat qui est absolument essentiel au travail du cabinet, parce que on a un ensemble d'assistantes, notamment, qui sont là pour formaliser les actes, puisque c'est une chose de les concevoir, c'en est une autre de les produire, de les envoyer dans les conditions qui sont prévues par la procédure, etc. etc. Donc ça, c'est le travail des assistantes qui font un travail fondamental au cabinet. À côté de ça, il y a tous les avocats. Globalement, les avocats peuvent exercer comme associés. Donc il y a un certain nombre d'associés au cabinet qui sont finalement les associés comme les associés d'une société commerciale normale, sauf que là c'est une société civile d'avocats. Et puis au-delà de ça, il y a un ensemble d'avocats collaborateurs, donc qui collaborent à l'activité du cabinet, qui sont des collaborateurs libéraux, c'est-à-dire qui travaillent à la fois pour le cabinet, ils ont également une clientèle personnelle, donc qui est attachée à eux-mêmes, à leur personne. Donc vous, Mathieu Hénon, vous êtes associé, vous n'avez pas une clientèle à vous? Non, tous les clients qui viennent me voir viennent voir le cabinet et sont traités par le cabinet. Clémence Durostu, où est-ce qu'on va ? On se rend chez un de nos clients qui est un établissement public qui a pour objet, pour vocation, de gérer les problématiques de cours d'eau et d'inondation sur le territoire parisien et alentour. C'est un client qu'on suit depuis pas mal d'années, tant sur le plan institutionnel, puisqu'il est composé de collectivités qui se sont donc regroupées dans un établissement pour gérer ensemble les problématiques qu'elles rencontrent en matière d'eau et d'inondation, que sur le plan environnemental, puisque justement les problématiques d'eau et d'inondation posent des problématiques environnementales pour l'ensemble des projets qui sont menés par l'établissement. Alors on va avec vous chez ce client, et c'est presque un privilège, parce que dans la pratique de votre métier, il y a quand même la confidentialité et le secret, donc on ne pourra pas vous enregistrer en train d'échanger sur le concret d'un dossier, mais on pourra lui parler. Donc il y a quand même des choses qui sont vraiment proscrites, on pourrait dire, à l'usage public dans votre métier. Qu'on soit en conseil ou en contentieux, quand on exerce notre profession, on est soumis au secret professionnel, à la confidentialité qui nous empêche de dévoiler l'identité de nos clients et de dévoiler les problématiques qu'ils rencontrent. Donc on a effectivement le privilège de les rencontrer ensemble. Il a bien sûr fallu d'abord qu'on leur en parle, qu'ils nous donnent leur accord sur votre présence. Et dans le cadre des échanges qu'on pourra avoir avec eux, tout ne pourra pas être diffusé, tout ne pourra pas être dit en public, puisqu'il y a des problématiques, et le conseil qu'on pourra leur donner sera soumis au secret professionnel et donc ne pourra pas être dévoilé à la radio ou dans les autres médias. Et ce secret, cette confidentialité, est-ce que par moment c'est un poids ou est-ce que c'est presque un honneur de se dire il y a des choses que je connais et que les autres ne savent pas ? Ça peut être un poids parce qu'on se pose toujours un peu la question de jusqu'où on peut aller dans ce qu'on dit, dans les conversations avec à l'extérieur du boulot ou même entre confrères. Donc on a toujours un peu ce petit doute dans le ventre qui nous dit attention, faut pas dépasser les bornes. Mais en même temps, alors sans qu'on ait des secrets d'État à cacher, mais c'est effectivement un privilège de pouvoir être la personne à qui on fait confiance, être la personne qui, justement, grâce à ce secret professionnel, peut avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir conseiller le client. Ça va du pilon au quartier. Clémence Durostu, quand on va sur le site du cabinet Seban, il y a la liste de tous les collaborateurs, des associés, et puis en face, il y a les articles qui sont publiés par chacun. Mmh. Est-ce que c'est un souci, une contrainte, une demande? Est-ce que vous le faites de publier des choses pour être visible, pour montrer, je ne sais pas, telle et telle affaire ou, enfin, par exemple, qu'est-ce que vous avez publié, vous, dernièrement? Mais moi, j'ai publié pas mal sur la gestion des milieux aquatiques, justement, et la prévention des inondations. C'est toujours un plaisir d'être sollicité, déjà, parce que quand on est sollicité en tant que Clémence Durostu, et non pas que en tant que collaboratrice du cabinet Seban, ça a aussi un petit... une petite satisfaction personnelle qui fait qu'on répond à ce genre de sollicitations avec plaisir. Et puis, c'est souvent sur des sujets qu'on a choisis aussi, qu'on aime bien, qu'on aime traiter, etc. Donc, on écrit beaucoup d'articles dans le cadre des lettres d'actualité juridique que propose le cabinet tous les mois, mais aussi dans le cadre de revues où on signe notre nom, on dit qu'on fait partie du cabinet. Et c'est un peu un... Voilà, à la fois on dit qu'on fait partie du cabinet et à la fois on dit que nous, moi Clémence Durostu, quand j'écris un article, c'est moi qui l'écris et c'est parce que c'est moi qui interviens dans ce domaine-là et voilà. C'est presque là l'experte, Clémence Durostu, c'est plus l'avocate. Oui, c'est ça. C'est plus effectivement pour faire savoir qu'on sait en fait. Disons les choses honnêtement. Hein. Clémence Durostu, vous n'avez pas de robe, vous nous l'aviez confiée. Oui. Mais vous avez dans votre portefeuille une carte, la carte d'avocat. Est-ce que vous pouvez me la montrer et me dire à quoi ça sert en fait, à part décliner son identité quand on rentre dans un tribunal? Je ne sais pas où elle est ma carte d'avocat. Est-ce que j'ai. Si elle est là. Quand même. Quand même, j'ai qu'est-ce qui a marqué? Mon nom, ma profession. Et il y a écrit barreau de Paris. Voilà, ma date de naissance et la date à laquelle la carte a été délivrée. Et derrière, il y a le serment d'avocat. Qui dit, je jure comme avocat d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Une phrase qu'on connaît par cœur, bien évidemment. Puisque c'est au moment où on prête serment... C'est ce qu'on jure. Mais j'avoue que à part... Dans les musées, ça sert à rien. Ouais, les musées, ça sert à rien, non? Absolument à rien. Ça sert surtout au palais. Ça sert surtout dans les tribunaux. Moi, j'ai jamais tenté les musées. On pourra... Je vous dirai. Voilà, on vient voir le PTB. Relax. Oui. Donc il y a les grandes travées et puis il y a un petit couloir. On pourrait presque dire au fond du couloir. Camille Régal, le cabinet de Corinne Herman est tout proche, le vôtre. Nos bureaux sont côte à côte, mais on est au milieu du reste du cabinet et on échange en permanence avec nos collègues. Je trouve ça, que c'est quoi, visuellement, ça c'est quoi visuellement, ces dossiers, ça je sais pas comment décrire, moi, c'est ce mur bleu m'impressionne toujours, en fait. Je regarde ces rayonnages, tous ces dossiers, je connais pour certains le contenu, et je trouve ça, voilà. Moi, quand les stagiaires y viennent, je leur dis, voilà, ça, c'est une des parties des dossiers de Corinne Herman. Ça, c'est de la procédure. Les dossiers, ils sont décolorés par le temps, ils ont jauni, ils sont... Mais c'est tous les dossiers, et chaque dossier, c'est une victime. Et bah, moi, ça me fait toujours des frissons quand je viens là. Bon, après, j'éternue parce qu'il y a de la poussière, mais... Mais voilà, je trouve ça... Quand je me dis tout là-haut, ça c'est la cour d'assises Fourniret. Voilà. J'ai pas le temps de lire comme j'aimerais lire tous ces dossiers aussi. Ça c'est frustrant. C'est de la procédure, donc c'est des victimes et donc c'est des vies parties. C'est ça. Et puis c'est surtout tout ce qui s'est passé ensuite. Alors, et en plus, on a la particularité d'avoir des dossiers où il y a deux procédures. On le voit, c'est marqué première procédure, deuxième procédure. On a la procédure de l'époque, souvent dans les années 80, et on a la procédure d'aujourd'hui qui a redémarré dans les années 2000, par exemple, à l'initiative de Corinne et Didier. Donc voilà, ça fait ce... On le voit, les PV sont tapés à la machine, c'est différent, donc il y a ce contraste et tout ce qui n'a pas été fait dans les années 80 et qu'on doit faire maintenant, aujourd'hui. Certaines de vos collègues, ou certains de vos collègues, parlaient de couleurs dans les dossiers. Couleur d'une audience, couleur d'une plaidoirie. Là, dans tout ce que vous touchez, ce que vous approchez, c'est quoi la couleur ? Je pourrais vous dire le rouge, qui symboliserait le sang, mais c'est pas ça, je dirais plus le blanc, en fait, pour moi. Le blanc du papier, le blanc du temps qui passe. Moi, c'est plus le blanc. L'immensité de blanc est dans lequel on se perd, en fait. Voilà. Est-ce que, au moment de l'audience, la robe vous protège ? Moi, je considère que oui. Je considère que notre robe, c'est un peu une cape, pas de super-héros, mais en tout cas de chevalier. On est plus fort avec la robe, on est déjà à l'égal des autres confrères. Il y a moins cette question d'ancienneté, de vieil avocat, de jeune avocat. Et c'est aussi... je considère que quand on revêt notre robe, on doit se sentir digne de la robe, de notre profession et des clients. Voilà, je ne suis pas différente avec les clients, mais je me dis, bon, bah, maintenant, tu as ta robe, il va falloir y aller et bien faire les choses. Voilà. Ma robe, c'est un cadeau de mes grands-parents, parce que, on ne le sait pas, mais ce bout de tissu a un coût réel. La mienne, je l'ai gardée un petit moment, je pense. Mais voilà, c'est toujours une émotion quand on prend sa robe. On pense que c'est la même robe, mais chaque robe est différente. Donc on choisit déjà la matière, et puis ensuite on choisit des petites options. Donc moi j'ai choisi un passepoil Bordeaux, mon nom est écrit en Bordeaux, avec mon année de prestation de serment. Voilà, et puis après on choisit la doublure, mais c'est vraiment impressionnant, on choisit si on veut une demi-doublure, une doublure complète, une doublure rose, j'ai des consoeurs qui ont des doublures roses, on choisit tout. Les pitoges, on choisit si on veut du lapin, du synthétique, du vison, enfin c'est... C'est quoi vous ? Moi c'est du lapin. La patte de lapin, c'est pour porter chance ? Bah peut-être, c'est pas de trop. Donc, il y a donc marqué Camille Rigal, Et l'année c'est où ? Alors, où est-ce qu'elle est, mon année ? À l'intérieur, dans le nom. Alors, voilà. Ici, il y a ma date de prestation de serment. Le 16 décembre 2014. Donc, la robe d'une avocate, c'est presque le prix d'une robe de mariée ? Ça peut l'être, en effet. Ça peut l'être. Mais oui, c'est, ça a une valeur aussi bien financière que symbolique. Voilà. Je suis Patrick Amaury, je suis le directeur de cabinet du président de l'EPTB Seine-Grand Lac, établissement public de territoire de bassin, qui gère un certain nombre d'infrastructures lourdes, sur les lacs réservoirs en grande périphérie de Paris, donc sur les territoires Marne, Haute-Marne, Yonne, Nièvre, et puis qui gère un certain nombre d'animations sur les politiques publiques autour du risque inondation et maintenant sécheresse. Étiage, voilà. Et on est... À proximité de la gare de Lyon. Oui, et dans un secteur inondable. Parce que ici, vous êtes en zone inondable, ce qui est quand même un grand paradoxe pour notre structure. Et en ce moment, à quelque chose près, 60% de ce qui coule, là, dans la Seine, provient de nos lacs réservoirs. Puisque comme il n'y a pas beaucoup plus, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, en face de nous. Voilà, on a la Caisse des dépôts, ce qui est quand même assez drôle. On a la Seine, la Caisse des dépôts et la métropole du Grand Paris. Et Bercy qui nous tend les bras, donc on est quand même dans un endroit presque stratégique, et la Seine. Donc par exemple l'année dernière, moi j'ai assisté, quand la Seine a largement débordé, les entreprises qui protégeaient Bercy, avec un certain nombre de bâtardeaux, etc. C'était assez tonique d'ailleurs, parce que bon, ici c'était plein, quoi. L'eau était montée quasiment jusqu'en haut. Ça nous permet d'aller voir tout de suite, d'ailleurs. On regarde le travail qu'on fait. Je vous disais, là, en gros, il y a 60% de ce qui coule en ce moment vient de la Marne et de la Haute-Marne. C'est pas anodin, quand même. Quel type d'échange vous avez avec Clémence Durostu ? facile d'abord, je le dis avec le sourire. Qu'est-ce qu'on attend d'un cabinet d'avocats, donc des échanges, d'abord qu'ils nous garantissent, en l'occurrence pour les travaux qu'on a menés ensemble autour de nos statuts nouveaux, qu'on soit dans les clous au niveau du réglementaire et de la loi, mais un peu plus que ça, qu'ils soient en capacité d'entendre et de retraduire justement avec leur technicité dans les règles de l'art nos orientations politiques au sens noble du terme, nos orientations stratégiques. Et encore un petit peu plus, c'est de comprendre la complexité éventuelle dans laquelle, institutionnelles, elles sont. Parce que tous les cabinets ne font pas ça. On travaille avec d'autres cabinets sur d'autres opérations moins importantes, peut-être moins structurantes, mais on ne les sollicite pas sur une compréhension même des enjeux. On sait que là, dans le cabinet, il y a une compréhension des enjeux stratégiques, politiques, mais aussi environnementaux. Mais parce que Mme de Rostu, quand même, elle sait à peu près de quoi elle parle quand elle parle de GEMAPI, notamment, quelque chose qui nous porte. Et puis, j'allais dire, après, l'entité du cabinet, c'est pas qu'un logo, mais quand vous portez chez un préfet un ensemble de statuts validé par le cabinet Seban, c'est pas la même chose que quand vous le faites valider par le cabinet Tartempion, que ce soit sa qualité. Quand ça a coincé, par exemple, moi j'ai appelé, on s'est vu en urgence au mois de juillet, parce que là, à un moment donné, le politique justement a dit « ça suffit ». Il y a un cabinet, et maintenant le cabinet va nous dire là où ça coince, ce qu'on doit. Et on s'est vu donc avec Solène et Clémence en formation extrêmement réduite. Là, le président de DG, le cabinet nous a dit voilà, ça coince là, ça coince là, ça coince là. Retraduction du président, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et même si ça a encore été long, je pense que si on n'avait pas fait cette phase-là, on serait encore en train de pinailler parce qu'on est sur une structure en plus qui regroupe des institutions. Ont toujours voté à l'unanimité toutes les décisions dans le service public vraiment pur et dur, mais en même temps qu'il y a des intérêts divergents là, dans un paysage institutionnel très mouvant, et que du coup, il fallait heureusement qu'elle soit extrêmement précise pour comprendre aussi pourquoi ça coinçait à tel endroit et pas à tel endroit, et que la vérité du jour était plus celle du lendemain, et à un moment donné, se reposer comme les juristes, et pas chacun sa place. Je crois que ça, c'était important. Clémence Durostu, donc vous êtes bien une actrice du pouvoir. Une actrice du pouvoir, alors... D'une prise de décision, à un moment, dans un cénacle réduit. Oui, c'est effectivement là où on a un rôle d'orientation. C'est dans le cadre des dossiers qu'on traite, des notes qu'on rédige, des statuts qu'on rédige, il faut composer avec le politique, avec le juridique, avec l'opérationnel. Et nous, notre rôle, du coup, c'est de réussir à mettre un peu tout le monde d'accord. Le déménagement qui se profile, oui, est précédé par une petite fête. Oui, c'est ce qu'on appelle la dépendaison de crémaillère. Et donc je découvre que le travail d'avocat, c'est pas que l'ajout de verbal, c'est du combat physique, parce que vous attend un tatami et possiblement un combat de sumo. Je ne suis pas sûr de le mener, d'avoir la capacité face à tous les jeunes qu'il y a au cabinet d'être le sumo... qui va bien, mais il faut aussi un peu faire la fête, et ça fait partie, les avocats qui sont ici ont souvent vécu plusieurs années dans ces locaux. Qui va commencer alors La Guillaume qui commence contre qui ? Je sais pas. Ah, c'est fou. Allez, Samuel. C'est le principe du petit groupe. Allez, go. Allez, go. L'expertise au service du pouvoir avec Solène Dossé, Clémence Durostu, Corinne Herman, Camille Rigal, Didier Seban, Mathieu Hénon et Patrick Amaury, directeur de cabinet de l'EPTB. La série documentaire, mixage Alain Joubert, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarède. Allez, LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez un avocat, bibliographie, lien, nous réécouter avant le verdict ou nous podcaster pour le tribunal, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Demain, troisième épisode, aux côtés des victimes des attentats de Saint-Denis.